إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد Donc, alhamdulillah, on va aujourd'hui, inshallah, lire une petite risala d'un des chouyoukhs de l'Algérie. Son nom c'est Abu Abdul Mu'izz Muhammad ibn Ali ibn Farkous. Et le titre de cette petite risala c'est Shirkun Nasara wa Atharuhu ala Ummati al-Islam. C'est-à-dire le shirk des chrétiens. Et son impact ou son effet sur la Umma de l'islam, c'est-à-dire sur les musulmans. Et c'est très important aujourd'hui, à l'époque actuelle, de comprendre bien comme il faut ce sujet. Non seulement parce que il y a certains groupes parmi les musulmans qui prétendent des idées fausses au sujet des juifs et des chrétiens en général, et qui disent que, par exemple, les juifs et les chrétiens sont nos frères, ou qui disent que on n'a pas le droit de dire que les juifs et les chrétiens sont des coupables. Bien entendu, ça c'est une idée très dangereuse, mais non seulement ça, mais qu'on vit parmi eux, les juifs et les chrétiens, dans leur pays, et certains musulmans ignorent la réalité de leurs croyances. Donc, chaque musulman a une responsabilité en ce qui concerne la da'wah. Chaque musulman a une responsabilité de transmettre le message de l'islam selon son niveau de connaissance et selon sa capacité. Et bien entendu, lorsqu'on veut appeler des gens à l'islam, il faut connaître leur mentalité, il faut connaître leur aqidah, leur croyance. Parce que si tu connais pas la croyance d'un peuple, et si tu connais pas la mentalité d'un peuple, ben tu seras jamais capable de leur transmettre le message de l'islam comme il faut. Et donc le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il nous a donné cet exemple-là d'une façon très claire lorsqu'il a envoyé Mu'adh ibn Jabal au Yémen pour faire la da'wah et pour enseigner aux gens l'islam. Il leur a dit, إنك تأتي قوم من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. Il dit, toi tu t'en vas vers un peuple parmi les peuples des gens du livre, alors que la première des choses à laquelle tu les appelles soit La ilaha illallah. Et dans une autre riwaya, ila an yuwahidullah. Que ce soit que la première chose à laquelle tu les appelles soit au fait d'unifier Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration. Donc, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam envoie Mu'adh ibn Jabal et il avertit Mu'adh ibn Jabal radiallahu anhu en lui disant, tu t'en vas pas vers n'importe quel peuple, tu t'en vas vers un peuple qui ont telle aqidah, qui ont telle croyance, qui ont telle mentalité, qui ont telle compréhension de la religion, qui ont telle erreur dans leur aqidah. Donc sois prêt à entendre de leur part toutes sortes de shubuhat, toutes sortes de jidal, toutes sortes d'arguments pour essayer de défendre leurs fausses croyances. Alors, sois prêt et arme-toi de ilm et de hikmah. Et donc, un des problèmes actuellement pour les musulmans, pourquoi ils ont de la difficulté parfois à transmettre le message de l'islam, c'est parce qu'ils ne connaissent pas la croyance et les pensées et la mentalité des gens qu'ils veulent appeler à l'islam. C'est pas suffisant juste de connaître l'islam, mais il faut connaître la mentalité et les croyances de la personne que tu appelles. Donc ça c'est un point. On va essayer, inchallah, de lire ça, cette risale ensemble. Elle n'est pas longue, mais elle est très bénéfique. Et en même temps, ça va nous aider aussi pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé parmi nous, chez les musulmans, dans nos pays, lorsque les musulmans ont négligé le tawhid et ont négligé les fondements de l'islam, comment cette aqida des chrétiens a réussi à s'infiltrer à l'intérieur des sociétés musulmanes et à affecter beaucoup de groupes et beaucoup de partis, et yani, il les a fait dévier sur plusieurs questions du tawhid à cause des croyances chrétiennes qui sont infiltrées dans les sociétés musulmanes. Et donc il y a des groupes de musulmans aujourd'hui qui pratiquent le christianisme ou une aqida qui est beaucoup plus près du christianisme que de l'islam et qui se disent musulmans. Donc on va commencer ensemble, inshallah, cette risale-là. Le cheikh il commence le premier point dont il parle, c'est i'tiqad ou ahl al-haqq fil masih Isa alayhi salam. La croyance déjà de la vérité, c'est-à-dire les musulmans, au sujet de Isa alayhi salam. Donc le cheikh dit alhamdulillah rabbil alamin wa salatu wa salam ala man arsalahu Allah rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanihi ila yawm ad-din. Amma ba'd. فإن عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام هو عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وقد جعله الله تعالى وأمه آية في ولادتهما ونشأتهما وهو آخر أنبياء الله تعالى ورسله من بني إسرائيل بعد أن انحرفوا وزاغوا عن شريعة موسى عليه الصلاة والسلام حيث غلبت عليهم النزاعات المادية وفقدوا الروح الديني الصحيح فبعثه الله تعالى لإرشاد الضالين من بني إسرائيل. Donc le cheikh il commence et il dit, louange à Allah, le Seigneur des mondes, le Créateur des mondes, et paix et salut soit sur son messager, celui qui l'a envoyé comme une miséricorde pour les mondes, et sur sa famille et sur ses fidèles, ceux qui l'ont suivi parmi ses compagnons, et sur ses frères jusqu'au jour du jugement dernier. Amma ba'd. Il dit que Isa ibn Maryam, alayhi salam, c'est Abdullah, c'est le serviteur d'Allah et son messager. Et c'est une parole qu'il a envoyée à Maryam. Une parole qu'il a envoyée à Maryam du fait que Allah subhanahu wa ta'ala l'a créé en disant kun, fakan, il lui a dit sois et il fut. وروح منه, c'est un âme que Allah subhanahu wa ta'ala a créé d'une façon particulière par rapport aux autres êtres humains, parce qu'il a été créé de façon miraculeuse. Allah subhanahu wa ta'ala, le cheikh il dit, Allah subhanahu wa ta'ala a fait de sa mère ainsi que de lui des signes, des miracles. Hein? Beaucoup de gens se demandent parmi les chrétiens parfois, pourquoi si vous dites que Jésus ou Isa ibn Maryam n'est pas le fils de Dieu, alors pourquoi dans ce cas-là est-ce qu'il est né sans père, ou pourquoi il est né d'une naissance miraculeuse? Eh bien, comme le cheikh il dit, c'est parce que Allah subhanahu wa ta'ala il a fait de Isa un signe pour les hommes, un miracle pour faire réfléchir les gens et pour leur faire réaliser que Allah subhanahu wa ta'ala ala kulli shay'in qadir. Allah subhanahu wa ta'ala il a le pouvoir sur toutes choses et il est capable de créer des êtres humains de cette façon, hein. Comme il a créé Adam alayhi salam sans père et sans mère, il est capable de créer un être humain sans qu'il ait de père et qu'il ait seulement une mère, hein. Donc ça c'est un signe. Et c'est le dernier prophète parmi les prophètes de Bani Israël. Alaykoum salam wa rahmatullah. C'est le dernier prophète parmi les prophètes des fils d'Israël. il, après que la religion des gens qui ont cru parmi Bani Israël a été transformée et déviée, hein, les gens ont dévié de la charia de Moussa, et ils se sont, disons, préoccupés plus des choses matérielles, et ils ont abandonné, si on veut, l'esprit religieux qui est vraiment correct, qui est basé sur la révélation. Alors ils sont devenus des gens très matérialistes et qui se limitent uniquement aux choses matérielles. Alors Allah subhanahu wa ta'ala leur a envoyé Isa ibn Maryam pour les orienter ou pour guider ceux qui avaient dévié parmi les Bani Israël, parmi les fils d'Israël. Donc à la base, Isa ibn Maryam, Jésus, le fils de Marie, il n'est pas venu pour tous les peuples sur la terre en premier. Hein. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit qu'il l'a envoyé comme un messager pour Bani Israël en particulier. Pas pour toute la terre, pas pour tous les peuples. Donc ça c'est déjà une particularité. Le cheikh il dit, فَجَدَّدَ لَهُمُ الدِّينَ وَبَيَّنَ لَهُمْ مَعَالِمَهُ. Il a réformé la religion, il a ramené à sa pureté la religion, et il a clarifié pour eux ses enseignements. Parce que beaucoup de juifs avaient dévié du message original de la religion. Et il est venu pour ramener cette religion-là telle qu'elle était dans sa pureté. Soit ils avaient amené des bédas, soit ils avaient mélangé leurs croyances avec des croyances étrangères à celles des prophètes. Et donc ils ont dévié dans plusieurs points, et Isa est venu pour les ramener. قد أجر الله على عبده المسيح من الآيات البينات ما جرت به سنته فأحيا الموتى وأبرأ الأكمه والأبرص وأنبأ الناس بما يأكلون وما يدخرون في بيوتهم ودعا إلى الله وإلى عبادته وحده لا شريك له والتبري من عبادة الطواغيت والآراء الباطلة متعبدا سنة إخوانه المرسلين ومصدقا لمن كان قبله ومبشرا بما يأتي بعده فكذبوه وعادوه ورموه وأمه بالعظائم وتآمروا على قتله فطهره الله منهم ورفعه إليه وانتشرت دعوته بفضل الله بفضل ما أقامه الله تعالى لأنصار المسيح من دعوة إلى دينه وشريعته حتى ظهر دينه على من خالفه واستقام الأمر على السداد. Donc le cheikh il dit que Allah subhanahu wa ta'ala il a fait apparaître par les mains d'Isa ibn Maryam beaucoup de grands miracles. Hein? Il a fait vivre des morts par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a guéri des gens qui étaient lépreux. Il a fait voir des aveugles. Il a informé les gens de ce qu'ils mangeaient dans leur maison et ce qu'ils gardaient dans leur maison. Une fois même, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, il a formé un oiseau avec de l'argile. Le cheikh ne mentionne pas cet exemple-là, mais c'est une des exemples. Il a formé un oiseau avec de la terre, et il a soufflé dessus, et par la permission d'Allah, il est devenu vivant. Hein? Et il a appelé les hommes à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, lui seul. Et que Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas d'associé et de partenaire dans l'adoration. Et il s'est désavoué de l'adoration des idoles et de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. De même qu'il s'est désavoué des fausses opinions et des gens qui suivent toutes sortes de formes d'égarements. Et il a donc suivi l'exemple de ses frères parmi les autres messagers qui sont venus avant lui. Isa ibn Maryam, alayhi salam, il n'a pas dévié du message que tous les autres messagers avaient enseigné avant lui. Le message fondamental auquel ont appelé tous les messagers d'Allah, c'est-à-dire la ilaha illallah, que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah subhanahu wa ta'ala. La religion de Isa alayhi salam, c'est la religion du tawhid, c'est la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la religion d'Ibrahim, de Moussa et de tous les autres messagers. Il n'y a pas de différence entre le message que tous ces messagers-là ont enseigné. La base et les principes fondamentaux de leur message, c'est le même. C'est le même message que le message du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, que le message de Moussa, que le message de Ibrahim, que le message de Yaqub, que le message de Nuh, alayhi salatu wa salam. Ils sont tous venus enseigner la même religion. Il n'y a pas de différence entre leurs religions. Le même fondement. Même si entre eux il y a parfois des divergences ou des différences dans les règles et les lois qu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélées parmi les shara'i', les législations, mais le fondement et la base, c'est la même, c'est l'islam. Hein? C'est-à-dire d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala seul et de se désavouer et rejeter tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala parmi les créatures. Et donc, Isa alayhi salam, il est venu pour confirmer ceux qui étaient avant lui, parmi les messagers, et pour avertir et annoncer la bonne nouvelle qu'après lui, il y allait avoir un messager, ismuhu Ahmed. Son nom est Ahmed alayhi salam, hein, sallallahu alayhi wa sallam, c'est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et son peuple, les juifs, ont refusé de croire en lui, en grande majorité, ils ont rejeté son message. Et ils se sont opposés à lui. Et ils l'ont accusé de toutes sortes de surpitié et de mensonges. Ils ont même prétendu, à propos de lui-même et à propos de sa mère, qu'il était né d'une naissance illégitime. Hein? Et ils ont même essayé de comploter pour essayer de le tuer. Alayhi salatu wassalam. Mais Allah subhanahu wa ta'ala l'a purifié. Il l'a élevé auprès de lui, il l'a purifié, il l'a protégé contre leur complot et il l'a élevé auprès de lui. Et sa da'wah, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa da'wah s'est répandue, hein, parce que Al-Masih Isa alayhi salam, il avait beaucoup de supporters qui ont continué sa da'wah après lui et qui ont enseigné et invité les gens à sa religion et à sa sharia. Et ils ont continué la da'wah jusqu'à ce que sa religion ait le dessus sur le reste des gens parmi les juifs qui avaient refusé de croire en lui. Puis, au début de la transmission, disons, de la da'wah, ils sont restés sur le droit chemin. Puis par la suite, les choses se sont changées. Il y a eu des gens qui ont essayé de déformer son message, comme Paul, hein. Paul, qui était un juif de nationalité romaine, et qui est venu après que Allah subhanahu wa ta'ala ait élevé Isa vers les cieux, et qui a essayé de déformer, de changer la réalité du message de Isa pour dévier les gens. Donc ça c'est un petit résumé. Le cheikh il dit « وَهَذَا مَا عَلَيْهِ اَعْتِقَادُ أَهْلِ الْحَقِّ فِيهِ » Ça c'est la croyance des musulmans au sujet de Isa. عليه السلام. غير أن هذه الرسالة واجهت اضطهادا ومقاومة شديدة أفضت إلى فقدان أصولها وامتزاجها بمعتقدات شركية وفلسفيات وثنية، الأمر الذي ساعد على امتداد يد التحريف إليها، فنشأت النصرانية بأفكار ومعتقدات منحرفة عن الرسالة التي أنزلت على عيسى عليه الصلاة والسلام. Donc c'est ça qui est important de comprendre maintenant, c'est que Isa alayhi salam, il a enseigné le haq, il a enseigné la ilaha illallah, il a enseigné le tawhid, il a enseigné l'islam à son peuple. Mais il y a eu beaucoup d'opposition à sa da'wah par la suite. Et beaucoup de gens se sont opposés à ce que ses supporters ont enseigné parmi les Ansar. Et qu'est-ce qui est arrivé par la suite? C'est qu'ils ont perdu la base. Il y a eu, à un certain moment donné, comme je vous ai dit, il y a Paul qui a travaillé contre ça, hein, qui s'est infiltré parmi eux et qui a essayé de faire en sorte de changer la base et le message fondamental de Isa alayhi salam. Et donc ils ont mélangé le message de Isa avec toutes sortes d'autres croyances qui sont contraires à la religion de Isa alayhi salam. Donc ils ont incorporé la Trinité et d'autres croyances encore, et on va voir ça, Inch'Allah, en détail dans les paroles du Cheikh Farkos. Donc le Cheikh, il dit que, bon, en fait, qu'est-ce qu'on veut dire ici, c'est que le christianisme tel qu'il est connu aujourd'hui, et tel qu'il était connu à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et un peu avant ça encore, il n'était plus le message que Isa avait enseigné. C'était devenu une autre religion. C'est devenu quelque chose d'autre. Donc il faut bien comprendre une chose. C'est ça que beaucoup de gens aujourd'hui n'ont pas compris. La religion que les gens pratiquent aujourd'hui, ceux qui se disent chrétiens, la religion qu'ils sont en train de suivre aujourd'hui, c'est pas la religion de Isa, alayhi salam. C'est pas le message que Isa a enseigné à l'humanité, ou bien qu'il a enseigné à son peuple. C'est pas ça son message. Le prophète Isa, alayhi salam, le message qu'il est venu enseigner, c'est l'islam, c'est le tawhid. Et donc, ceux qui ont dévié par la suite et qui ont changé la pureté et la réalité de son message aujourd'hui, ils s'appellent chrétiens, ils se disent chrétiens, ils prétendent suivre Isa, mais en réalité, ils suivent autre chose que la religion d'Isa, alayhi salam. Qu'est-ce qu'ils suivent? C'est pas du tout la religion d'Isa. Et c'est ça ce qu'on va voir maintenant. Parce que leur croyance a été mélangée avec toutes sortes de pratiques de shirk et des croyances de shirk et des philosophies païennes qui n'ont rien à voir avec la religion d'Isa. Surtout lorsque Paul a amené soi-disant son message, ou sa version du message de Isa, quand il a déformé, il l'a amené vers les Romains et vers les Grecs, et à l'époque, les Romains et les Grecs, c'était pas des gens qui avaient une croyance en le christianisme encore, parce que l'islam, ou bien le christianisme ne s'était pas encore répandu dans ces pays-là. Mais c'est par la suite que ça s'est répandu. Mais ces gens-là, avant, qu'est-ce qu'ils adoraient, les Grecs? Hein? Ils adoraient des idoles. Ils adoraient les étoiles. Ils faisaient des représentations, des statues, et ils adoraient ça. Et ils croyaient que c'était leurs intercesseurs auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils croyaient en les dieux de l'Olympe, ou des trucs de ce genre. Hein? Ils faisaient toutes sortes de formes de shirk, un peu comme les hindous. Hein? Et la même chose pour les Romains. Ils adoraient Jupiter, Neptune, hein? Puis tous ces, les noms des étoiles, des constellations. Et ils se représentaient ça par des images et des statues, et puis ils les adoraient. Hein? Et donc, ils avaient déjà la notion de que Dieu avait des enfants, qu'il avait des fils, qu'il avait des filles, qui se reproduisaient avec des femmes, des êtres humains sur la terre. Ça faisait partie de leur croyance, ces gens-là. Hein? Leur religion, c'était pas la religion des prophètes, c'était pas la religion du tawhid, c'était la religion du shirk. Et donc, quand Paul est rentré chez eux, il a essayé de mélanger la croyance d'Isa avec les croyances de ces gens-là qui croient en le shirk. Et donc, il a déformé le message pur et clair d'Isa, et il l'a fait avec une autre religion qu'il a appelée christianisme. Et c'est ça aujourd'hui que les chrétiens suivent. D'accord? Donc le cheikh dit, Haqiqatullah inda al-Nasara. La réalité de Allah subhanahu wa ta'ala pour les chrétiens, qu'est-ce que c'est? Quand tu parles avec, quand un chrétien te parle et il dit qu'il croit en Dieu, c'est quoi Dieu pour lui? Pour le chrétien, quand il dit Allah, c'est de qui il parle? Comment il est ce Dieu-là qu'ils adorent eux? Le cheikh dit, ومن أهم ما قامت عليه النصرانية من معتقدات فلسفية وأفكار وثنية الدعوة إلى التثليث وإلى ألوهية المسيح عليه الصلاة والسلام وألوهية روح القدس فالنصارى يؤمنون بالثلاثة إلها واحدا الأب والابن وروح القدس فهم واحد في الجوهر متساوون في القدرة والمجد وفي وجودهم لم يسبق أحد منهم الآخر وهم يعتقدون جميعا بحلول الله تعالى في المسيح عيسى عليه الصلاة والسلام لكنهم يختلفون في كيفية الاتحاد والتجسد. Le chef il dit que les plus importantes croyances philosophiques et idéologies païennes sur lesquelles sont basées les croyances des chrétiens aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'on appelle At-Taslith en arabe, c'est-à-dire la Trinité, qu'est-ce qu'ils appellent eux la Sainte Trinité. Qu'est-ce que ça veut dire, la Trinité? Ça veut dire, quand il parle de Dieu, il dit c'est Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Pour eux, c'est ça leur Dieu. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Hein? Uluhiyatul Masih wa uluhiyatul Ruh al-Qudus. Et Dieu, il l'appelle le Père. Ils appellent Dieu, ils disent que c'est le Père. Dieu le Père. Le Fils, ils disent, c'est le Fils, ils l'appellent Dieu le Fils. Et l'Esprit Saint, ils disent Dieu le Saint-Esprit. Hein? Ça, c'est leur Dieu à eux. Ils croient en ça. Donc, il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ils disent qu'ils sont un dans leur essence. Et ils sont égaux dans leur force et dans leur capacité. Et il n'y en a pas un qui a précédé l'autre dans son existence. Ça veut dire que tous les trois, ils ont existé en même temps et ils existeront toujours éternellement. Ils ont tous les deux, ils sont tous les deux, soit tous les trois, ils sont sans début et sans fin. Hein? Il n'y en a pas un qui a précédé l'autre. Le Père n'a pas précédé le Fils n'a pas précédé, n'est pas venu après le Père. Hein? Et puis, ils sont tous égaux dans la force. Le Père a autant de force que le Fils a autant de force que le Père, autant de force que le Saint-Esprit. Ok? Ça, c'est leur idée de Dieu. C'est ça leur croyance. Et ils croient tous, peu importe le groupe ou la secte, que ce soit des catholiques, des protestants, hein, ou autres, les orthodoxes, ils croient tous que Dieu est entré en Jésus, qu'il s'est incarné en Jésus. Hein? Que Dieu s'est incarné en Jésus, Dieu est devenu chair, c'est ce qu'ils disent. Dieu s'est fait chair. C'est ça ce qu'on nous a appris avant d'être musulman, c'est ça ce qu'on m'a appris quand j'étais petit. Depuis que j'étais tout petit enfant, jusqu'à l'âge où je me suis converti à l'islam, à l'âge de 16 ans, c'est ça ce qu'on m'a répété comme une sorte de lavage de cerveau qu'on nous fait, parce qu'on ne réfléchit pas quand on est chrétien. On nous apprend pas à réfléchir, même on nous interdit de réfléchir, hein, parce que, soi-disant, c'est un mystère que personne ne peut comprendre et que tu vas uniquement arriver à comprendre quand tu vas mourir. Hein. Donc, ça, c'est la manière qu'ils utilisent pour fermer la porte à tout questionnement et à toute recherche de la vérité. Donc, depuis que tu es tout petit, on te dit, c'est un mystère, essaie pas de comprendre, c'est impossible. Même avec la logique, tu ne peux pas comprendre, tu vas juste comprendre un jour, c'est quand tu vas mourir. Alors ça y est, c'est fermé. Par la suite, ils ont réussi à bloquer ton cerveau, tu ne peux plus comprendre quoi que ce soit. Et tu ne vas même pas essayer de chercher. Parce que qu'est-ce qu'ils font en plus de ça? C'est qu'ils te disent, lis pas la Bible. Hein? Ils interdisent presque, ils disent pas d'une façon explicite aujourd'hui, parce qu'avec l'imprimerie et tout, maintenant tout le monde a une copie de la Bible chez lui parmi les chrétiens. Mais personne d'entre eux lit la Bible. C'est rare, tu vas trouver un catholique qui a lu sa Bible. Tandis que nous les musulmans, en général, on a tous un Coran et puis la plupart des musulmans, ils lisent le Coran. Hein, peut-être qu'il y en a qui ne le lisent pas, malheureusement, mais en général, tout le monde lit le Mus'haf, tout le monde lit le Coran. C'est pas quelque chose qu'on garde dans un tiroir caché, hein, enrobé d'un tissu, et qu'on sort une fois quand il y a un mort ou quand il y a quelque chose. Il y en a qui c'est comme ça, mais sinon une grande majorité des musulmans, ils connaissent leurs livres et ils savent ce qui est écrit dedans. Tandis que les chrétiens, non. Ils n'ont jamais lu du tout. Rien. Hein? Donc c'est pour vous dire, quand les chrétiens vont à l'église le dimanche, le prêtre il lit pas la Bible. La messe est déjà écrite, il sait déjà à l'avance, chaque jour de l'année, chaque dimanche de l'année, qu'est-ce qu'il va enseigner dans sa prêche pour tous les jours de l'année. Hein? Et il ne prend pas la Bible telle directement, il prend des versets choisis de la Bible pour pas que les gens lisent et sachent qu'est-ce qu'il y a dedans. Pourquoi? Parce que s'ils lisent qu'est-ce qu'il y a dedans, ils vont voir les contradictions entre qu'est-ce qui est enseigné par les prêtres et par l'Église et qu'est-ce qui est la réalité du message qui est enseigné par les messagers. Parce que même s'il y a eu des déformations et des déviations dans les textes, Mais le message de base du tawhid, il reste encore. Il est encore présent. Hein? Le premier commandement, demandez à n'importe quel chrétien, s'il connaît le minimum de sa religion, vous demandez c'est quoi le premier commandement dans la Bible. Il va vous dire, un seul Dieu tu adoreras. Un seul Dieu tu dois adorer. Et si vous lisez dans le texte, dans l'Ancien Testament, dans Deutéronome ou dans Lévitique, c'est clair, c'est écrit, tu ne feras aucune image sculptée, dessinée ou gravée de ce qui est dans les cieux, sur la terre ou dans la mer. Hein? Il n'y a pas rien de plus clair que ça. Pourtant, tu rentres dans une église catholique, la première chose que tu remarques, des croix, des statues, des images, des icônes. Tout le contraire de ce qui est écrit dans le premier commandement que tous les chrétiens doivent connaître. Hmm? Même dans le Nouveau Testament, c'est écrit ici. Si, c'est écrit dans le Nouveau Testament que les chrétiens considèrent comme étant leur révélation. C'est écrit, quelqu'un a demandé à Jésus, quel est le plus grand des commandements? Il a dit, tu n'adoreras nul autre que Dieu, un seul Dieu, unique. Ton Dieu est un Dieu unique. Hein? Alors, comment ça se fait ce premier commandement-là, ils le contredisent, déjà à la base, avec cette croyance en la Trinité qui n'a jamais été enseignée par aucun des prophètes de Dieu. Ni Nuh, ni Adam, ni Nuh, ni Ibrahim, ni Moussa, ni Yaqub, ni Daoud, ni Suleyman. Hein? Aucun messager d'Allah, tu vas chercher là, du début jusqu'à la fin. Il n'y a rien qui parle de cette soi-disant Trinité-là. Hein? Donc, d'où est-ce qu'elle vient cette croyance? Elle vient de ces gens, de Paul et de ceux qui l'ont suivi, parmi les Romains et les Grecs. Hein? Mais ceux qui ont élaboré cette soi-disant croyance en la Trinité, là, c'est lors du Concile de Nicée, en 325, hein, après la naissance de Jésus. Ils se sont réunis à Nicée et ils ont fait le premier concile, Constantin, l'empereur Constantin. Ils ont essayé de voter, parmi tous les groupes qui étaient là, de voter quelles vont être les croyances officielles de l'Empire romain. Quelles vont être les croyances officielles chrétiennes de l'Empire romain. Et ils ont voté, parmi les croyances qu'ils ont décidées, c'était celle-là, la Trinité. Hein? Donc ça fait partie des choses qui ont été votées par ces gens-là ce jour-là, 325 ans après. Isa, après que Allah ait élevé Isa aux cieux. Hein? Donc, ils sont tous d'accord pour dire que Dieu est rentré dans Isa, ils disent ça. Qu'est-ce qu'ils appellent Al-Hulul? C'est-à-dire que Dieu il rentre en Isa, où il devient être humain, où il rentre à l'intérieur d'un être humain. Toutefois, le Cheikh dit « Walakinnahum yakhtalifuna fi kayfiyat al-ibtihad wa at-tajassud » Sauf qu'ils sont en divergence entre eux, les sectes chrétiennes, ils divergent entre eux sur le comment de cette incarnation-là. Ils ne sont pas d'accord. Il y en a qui ont différentes théories, ou différentes façons d'expliquer cette incarnation-là. Hein? Donc ils disent « Firqatun ta'taqidu, ta'ifatun tara annahu ishraqu nur ala al-jasad al-mushaffa wa firqatun تعتقد أنه انتباع النقش في الشمعة وأخرى ترى أنه ظهور الروحاني بالجسمان وفرقة رابعة ترى أن اللاهوت تردع بالناسوت وفرقة خامسة تعتقد أن الكلمة مازجت جسد المسيح ممازجة اللبن بالماء فحقيقة الله عند النصارى في دينهم المحرف هو أنه جوهر واحد غير متحيز وليس بذي حجم بل هو قائم بالنفس وهو واحد بالجوهرية الثلاثة الأقنومية. Donc le chef il explique différentes théories parmi les chrétiens. Il y en a qui croient que par exemple c'est comme la lumière qui est entrée dans son corps comme des rayons. Il y en a d'autres qui croient que c'est l'esprit qui est rentré dans le corps. Il y en a d'autres qui croient que il y a toutes sortes de termes philosophiques pour expliquer ça. Et même quand on lit ça, parfois on se dit, c'est clair que c'est pas de l'arabe, al-lahut ou al-nasut, c'est pas des termes arabes, c'est des termes grecs traduits en arabe. Bon, il y en a d'autres qui disent qu'il s'est mélangé, Dieu s'est mélangé en Jésus comme le lait lorsqu'on le mélange dans l'eau. Ils disent ça de cette façon-là. Ils ont tous des façons différentes à la base pour essayer de l'expliquer. Mais de toute façon, donc, c'est ça pour eux la réalité de leur Dieu. Un Dieu qui s'est mélangé avec un homme, hein, qui est devenu moitié homme, moitié Dieu, ou quelque chose de ce genre. Un semi-Dieu. ولما كان هذا الزعم باطلا ففي leur fausse croyance, الشيخ يقول ولما كان هذا الزعم باطلا تعثر عليهم فهمه ولهذا اختلف النصارى فيه اختلافا ظاهرا وافضى بكل فرقه الى تكفير الفرق الاخرى بسببه وقد حكم الله بكفرهم جميعا وان مصيرهم العذاب ان لم ينتهوا عما يقولون قال تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. لشيخ الزي étant donné que cette idée-là, cette théorie-là est différente, elle est très difficile à comprendre, hein? Même il y en a, ils le disent eux-mêmes, c'est impossible de la comprendre, c'est pas difficile seulement, c'est impossible de la comprendre, ça dépasse la raison, selon eux, hein. Alors les chrétiens, entre eux-mêmes, se sont divisés à ce sujet-là, hein. Comme le cheikh il dit, tu peux pas le comprendre, même dans leurs exemples, eux-mêmes ils l'avouent, tu peux pas le comprendre. Imaginez une religion dont la base, elle-même, tu peux pas la comprendre. Imaginez le reste de la religion. Si le fondement même de cette religion-là, tu ne peux pas la comprendre, et tu ne peux même pas essayer de la comprendre, alors qu'est-ce que vous pensez du reste? C'est encore pire. Et c'est ça ce qui fait la force même de l'islam, parce que l'islam, le tawhid, c'est la clarté, pure. Il n'y a pas de choses compliquées, difficiles, mystérieuses à comprendre à ce sujet-là. Il y a un Dieu unique, c'est lui qui a créé l'univers, il n'a pas de partenaire, il n'a pas d'associé, c'est lui seul qui mérite l'adoration. Et ça y est, c'est sur le tawhid, tu es sur l'argent de tous les messagers d'Allah, hein? Il n'y a pas rien d'illogique là-dedans, c'est clair. Tu regardes la religion de ces gens-là, 3 en 1, les 3 et trucs, hein? Les 3 ils ont la même force, ils sont venus en même temps, ou bien ils sont éternels, il n'y en a pas un qui est venu avant l'autre. Comment tu penses, un père qui n'est pas venu avant son fils, et un fils qui n'est pas venu après son père, et que le père et le fils de Dieu ils ont la même force, et que les trois sont éternels, et l'Esprit Saint c'est quoi, hein? Pour eux c'est pas l'ange Gabriel, nous on sait que c'est l'ange Gabriel, alhamdulillah, c'est clarifié dans le Coran, que Ar-Ruh al-Qudus, c'est Jibril alayhi salam, mais pour eux ils savent pas l'expliquer qu'est-ce que c'est, wa alaykum salam, rahmatullahi wa barakatuh. Ça c'est des choses, même quand j'étais jeune, je me posais la question, je réfléchissais là-dessus, pour essayer de comprendre ces choses-là, ça ne fait pas de sens. Hein? Ça ne fait aucun sens, ça ne peut pas rentrer dans la tête de personne, ces choses-là. Et c'est pour ça qu'ils ont eu tant de conflits entre, soi-disant, les scientifiques et l'Église. Ils ont toujours eu des batailles et des guerres entre eux. Hein? Pourquoi? Parce que les prêtres ont toujours essayé de bloquer, de stopper l'utilisation de la raison, parce que déjà à la base de leur religion, elle va contre la raison, elle va contre les mathématiques où l'arithmétique est plus élémentaire. 1 plus 1 plus 1 égale 3. Eux, ils disent non. 1 plus 1 plus 1, chez les chrétiens, ça ne veut pas dire 3, ça veut dire 1, ça égale à 1. Donc déjà, il y a un gros problème dans les mathématiques, dans le christianisme, hein. La plus simple des équations, ne sont pas capables de la résoudre. C'est pour ça que ça ne tient pas la route. Et c'est pour ça que l'islam, elle est en train de se répandre en Occident, partout. Parce que la base de cette religion-là, c'est la religion de tous les messagers d'Allah. Elle est claire, c'est la vérité. C'est le message de tous les messagers d'Allah. C'est la ilaha illallah, al-tawhid. Hein? Et donc c'est ça qui fait la force de cette religion-là. Des fois tu parles avec des musulmans, ils voient un chrétien, ils disent « Mais pourquoi tu es devenu musulman toi ?» Et moi je dis, je suis devenu musulman parce que je crois en un Dieu unique. Et là ils te regardent, ils disent « Ah ouais, c'est tout ? C'est juste pour ça ? » Ou bien il y en a qui disent, est-ce que tu es devenu musulman parce que avant l'islam, tu étais dans le haram, tu faisais des péchés, et tu imagines que tu faisais des mauvais coups, tu étais un voyou, hein. Puis là, tu es venu dans l'islam parce que tu voulais vivre une voie droite. Quoi, vous pensez que dans le christianisme, il n'y a pas les règles de moralité? Même dans le christianisme, zina c'est haram, voler c'est haram, mentir c'est haram. Tous les messagers d'Allah ont interdit ces choses-là. C'est pas ça la particularité. Même les athées, ils savent qu'il faut respecter ces choses-là. Ils croient en rien. Hein? Tu vas voir des athées, ils ont un bon comportement parfois. Ils parlent bien avec des gens. Pourtant, c'est des kouffars, des athées. Hein? Des chrétiens, tu en vois par exemple, certains d'entre eux, ils vont respecter certaines règles de vie, de respect. Donc, c'est pas ça qui va les sauver au jour du jugement dernier de l'enfer. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءَ. Si quelqu'un meurt sur le shirk, Allah va jamais nous pardonner, même s'il a fait toutes les bonnes œuvres sur la terre. Et même s'il s'est écarté de tous les péchés, s'il a le shirk, il va en enfer pour l'éternité. Mais s'il a le tawhid, il n'a pas fait de shirk, mais il rencontre Allah avec tous les péchés, Allah peut lui pardonner. Et s'il ne lui pardonne pas et qu'il rentre en enfer, par la justice d'Allah subhanahu wa ta'ala, quand Allah décide de le punir, il ne va pas rester éternellement en enfer comme le mouchrik. Il va rester un certain temps en enfer, comme Allah l'a voulu, comme Allah l'a décidé, c'est Allah qui va décider combien de temps, mais il va sortir de l'enfer, il va rentrer au paradis parce qu'il n'est pas mort sur le shirk, il est mort sur le tawhid. Il est purifié de ses péchés en enfer quand il a fini de brûler le temps qu'Allah a voulu, il sort de l'enfer et il rentre au paradis. Ceux qui restent éternellement en enfer, c'est uniquement les gens qui sont dans le kufr et dans le shirk, qui ont associé avec Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Donc ça c'est fadl al-tawhid, ça c'est le mérite du tawhid, et d'être sur le tawhid. Ok? Donc c'est pour vous dire, yani. Donc le cheikh il explique, il dit que les chrétiens entre eux se sont divisés sur la notion de trinité, même ils ne sont pas d'accord entre eux. Ils ne sont pas d'accord entre eux parmi toutes les sectes. Ils ont tous des différentes compréhensions, des différences d'interprétation, des différences groupes. Tu vois, par exemple, il y a eu la grosse scission entre les orthodoxes et les catholiques. L'église de l'Orient, l'église de l'Occident. Après, en Occident, il y a eu les protestants qui se sont séparés du catholicisme, hein, avec Martin Luther, qui s'est révolté ou qui a protesté contre l'Église, contre le Pape. Il a dit, qu'est-ce que vous pratiquez là, c'est pas ça que Jésus a enseigné. Hein? Comme je vous dis, à l'époque, ils ne lisaient pas la Bible, les gens. La messe était en latin, je ne parle pas le latin. Le latin, c'était la langue des élites, des gens éduqués, des prêtres, des moines. Hein? Le langage des scientifiques. Tandis que le peuple, eux, ils parlaient leur langue respective, ils ne connaissaient pas le latin. Ils venaient à la messe, même au Québec, il n'y a pas longtemps, il y a peut-être 70 ans, 80 ans, même pas, moins de 100 ans, toutes les messes étaient dites en latin. Et les gens apprenaient des formules en latin, ils venaient à la messe, ils écoutaient le latin, ils ne comprenaient pas un mot de ce que le prêtre disait, pourtant ils répétaient ces choses-là. Et, ils ne lisaient pas. Donc Martin Luther, lui, il a fait, je pense que c'est un des premiers qui a fait traduire la Bible, dans la langue du peuple, dans la langue des communs. Et quand il a commencé à lire ça, hein, il a commencé à voir qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Ces gens-là, l'Église, ils cachent les choses aux gens. Hein. Regardez par exemple, il est allé voir le pape, il a été choqué de ce qu'il a vu là-bas. Hein. Il a vu qu'il était assis sur un trône avec une couronne en or, comme un empereur. Hein. Et après, il vendait aux gens des papiers pour dire « Oui, tu vas rentrer au paradis. » Il vendait ça. Il prenait de l'argent pour ça. Hein? Tu voulais sauver un de tes proches qui est mort du purgatoire, soi-disant, pour pas qu'il attende en enfer. Eh ben, tu payes une somme d'argent à l'église, il te donne un papier qui dit que ça y est, il va aller au paradis. Toutes des choses qui sont des mensonges. Ils mangent l'argent, Allah dit dans le Coran, ils mangeaient l'argent des gens. C'est le bâtre, ils mangent l'argent des gens en mensonge. hein, avec le mensonge. Hein. Donc, ils se sont séparés, ils ont dit, non, ça y est, on va réformer la religion chrétienne, on va ramener à la base. Ils ont essayé de changer des trucs, ils ont renié le pape, ils ont renié l'église catholique. Sauf que, ils ont gardé la base des croyances des autres catholiques. Hein. La Trinité, ils l'ont gardé. Et les autres, beaucoup d'autres trucs de, des croyances fondamentales des catholiques, ils les ont gardés. Donc ils n'ont rien changé en fait. Ils n'ont rien réformé. Parce que s'ils voulaient vraiment faire une réforme, soi-disant, eh bien ils devaient suivre l'islam. Suivre le message du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et renier le shirk. Mais malheureusement, ils n'ont pas réussi à faire ça. Qu'est-ce qui est arrivé? Maintenant que Martin Luther a renié l'église catholique, ça veut dire qu'il n'y a plus d'autorité religieuse. Donc ça veut dire que ça ouvre la porte à tout le monde qui maintenant peut lire la Bible de commencer à essayer d'interpréter selon ce qu'ils pensent. Et là on a vu apparaître plein de gens qui se disent prophètes ou inspirés parmi les chrétiens qui commencent à interpréter la Bible selon leur propre compréhension et à appeler les gens à leur compréhension. Et c'est pour ça qu'on retrouve dans le protestantisme un paquet de groupes et de sectes. Hein. Vous avez les anglicaines, l'église anglicaine, dont la reine d'Angleterre est le chef. Hein. La reine d'Angleterre, c'est la chef de l'église anglicane. Il y a les protestants baptistes, il y a les protestants méthodistes, il y a les protestants adventistes, pentecôtistes, évangélistes. Il y en a des dizaines et des dizaines comme ça. Et ils ont tous des églises à eux. Et ils appellent les gens à suivre leur secte. Et ils disent tout que l'autre est pas sur le droit chemin et qu'ils vont en enfer. Ça, c'est entre les chrétiens. Hein? Donc ça, c'est pour vous montrer à quel point ils sont dans l'égarement. Et donc, le cheikh, il dit que à cause de leur mécréance, Allah subhanahu wa ta'ala a dit ou a expliqué que s'ils ne cessaient pas de dire ces mensonges-là à propos d'Allah subhanahu wa ta'ala par rapport à la Trinité, leur destination allait être le châtiment et l'enfer. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le verset 73, dans Surat al-Ma'ida, que ceux qui ont dit que Dieu est trois en un, ou bien la Trinité, un des trois parmi la Trinité, alors ceux-là, ils ont mécru. لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَ. Donc si vous voyez quelqu'un, quand vous lui dites que les juifs et les chrétiens, ou que les chrétiens sont des koufars, les juifs sont des koufars, il vous dit non, il ne faut pas dire ça, ou non, ce n'est pas vrai, vous lui dites, mais ce n'est pas moi qui l'a dit, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a dit. Comment tu ne veux pas que je dise qu'est-ce que Allah a dit? Subhanallah. Donc ça veut dire que Allah, il n'a pas dit la vérité dans le Coran. A'udhu billah. Hein? Qui est plus véridique en parole que Allah subhanahu wa ta'ala? Hein? Allah a dit quelque chose, toi tu dis le contraire. Allah a dit, laqad kafara, toi tu dis non. A'udhu billah. Quelle sorte de compréhension ça? Hein? Donc il y a beaucoup de gens aujourd'hui, ils refusent qu'on dise la vérité que Allah a dit à propos de ces gens-là. Hein? Et ça c'est grave. Alors Allah subhanahu wa ta'ala dit, laqad kafara, ils ont mécru ceux qui disent que Dieu est un des trois, ou bien la Trinité, des trucs de trois en un, comme ils croient, les chrétiens, alors qu'il n'y a qu'un seul Dieu unique qui mérite d'être adoré. Hein? Et s'ils ne cessent pas de dire ce qu'ils disent, certes, ils vont être touchés par un châtiment douloureux. Ceux qui ont mécru parmi eux vont être touchés par un dur châtiment. Et il y en a qui disent parmi les Hizbiyyin, les gens de Bid'a, ils refusent qu'on dise qu'ils sont des koufars. Ils veulent pas. Ils disent non, on peut pas dire que ce sont des koufars. Pourquoi? Ah ok, parce que peut-être qu'ils veulent dire qu'ils sont pas tous des koufars. Parmi les gens du livre, il y en a qui ont cru au vrai message d'Issa à l'époque de Issa, ou bien un peu après Issa, qui était sur le vrai message du Tawhid, qui n'ont pas cru en la Trinité. Oui, si tu parles de ces gens-là, oui, ça c'est vrai. Hein? Ceux qui n'ont pas fait de shirk et qui ont cru en Isa, alayhi salam, ok. Mais maintenant, après que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a été amené pour l'humanité, et qu'il est venu avec le Coran, et qu'il a enseigné l'islam, c'est obligatoire à tous les chrétiens et tous les juifs et tous les gens sur la terre de croire en lui. Alayhi salatu wassalam. Quelqu'un après la venue du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne peut pas dire, moi je suis chrétien maintenant, je ne veux pas suivre le Coran, je ne veux pas suivre le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Non. On n'a plus d'excuses maintenant. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, la yasma'u bi, hein. فوالذي نفس محمد صلى الله عليه وسلم بيده لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي كان أو نصراني ثم يمت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار ها فسع حديث صحيح أبوتي تعليم المسلم إلا par celui qui tient l'âme de Mohammed صلى الله عليه وسلم en ses mains. Il n'y a pas un juif ou un chrétien qui meurt, qui entend parler de moi et qui meurt sans avoir cru en ce que j'ai amené comme message, excepté qu'il sera parmi les gens du feu. Il n'y a pas un hadith plus clair que ce hadith-là. Et plus certain dans son authenticité. Maintenant, il y a des gens parmi les gens de Bid'a qui refusent d'accepter et de dire ce hadith. Hein? Donc ça, c'est quoi le problème? Hein? Est-ce qu'ils veulent me dire que j'ai fait une erreur en devenant musulman? Hein? Que j'ai quitté le christianisme alors que j'étais pas kafir, et que maintenant que je suis devenu musulman, pourquoi je suis devenu musulman, j'aurais pu rester chrétien, c'est ça ce qu'ils veulent dire, puisque j'étais pas kafir avant, hein, et qu'on n'est pas obligé de devenir musulman quand on est chrétien ou juif, a'oubidullah. Moi j'ai quitté le christianisme parce que je savais que dans le christianisme il y avait du shirk, il y avait du kufr, il y avait des déformations du message des prophètes, d'Allah. Donc maintenant, comment moi je rentre dans l'islam et je rencontre quelqu'un qui se dit musulman et qui me dit non, t'étais pas kafir avant, t'étais correct. Auzubillah, tu dis le contraire du Coran puis tu dis que t'es musulman. Donc il y a un problème dans la tête de certains parmi ceux qui se disent musulmans. Soit ils n'ont pas lu le Coran, ou soit ils ont un problème dans le cœur. Hein? Et donc c'est pour ça que c'est bien important de bien étudier notre aqidah. Le cheikh il dit, ومن معتقداتهم المنحرفة انخضاع قصة الفداء والصلب فيعتقدون أن المسيح عليه الصلاة والسلام مات مصلوبا تكفيرا لخطايا البشر فهو وحيد الله في زعمهم الذي أرسله ليخلص البشرية من إثم خطيئة أبيهم آدم عليه الصلاة والسلام وخطاياهم وأن النصارى جميعا اتفقوا على أن الابن اتحد بالشخص الذي يسمونه المسيح وأن ذلك الشخص ظهر للناس وصلب وقتل ولكنهم اختلفوا في كيفية صلبه هل القتل ورد على الجزء اللاهوت أم ورد على جزء الناسوت أم على جزئين معا. Donc le cheikh il dit, et parmi leurs fausses croyances qui sont déformées et déviées, hein, il y a la tromperie de l'histoire de la rédemption et de la crucifixion qu'ils ont fabriquée et inventée. Et ça c'est un de leurs fondements, parmi les fondements de leurs croyances, que si tu ne crois pas en ça, même si tu crois en Dieu et que tu crois en Tawhid et que tu crois en tous les messagers d'Allah, pour eux, si tu ne crois pas en ça, tu n'es pas un croyant. Pour les chrétiens, si tu ne crois pas en ça, tu n'es pas un croyant. C'est-à-dire que Jésus est venu, selon eux, pour pardonner les péchés de l'humanité, hein, comme il est venu comme une sorte de rédemption pour le péché des hommes. C'est quoi cette idée de rédemption? Selon eux, Adam, alayhi salam, quand il a désobéi à Allah subhanahu wa ta'ala en mangeant du fruit, soi-disant, il a fait un péché impardonnable. Et selon les chrétiens, la seule façon, hein, ils disent que ce péché-là, il a été hérité par la suite, de père en fils, jusqu'à la venue de Isa. Et que la seule façon de se sauver, ou d'effacer ce péché-là, ils appellent ça le péché originel, hein, et la seule façon de l'enlever, ce péché-là, il faut qu'il y ait un sacrifice. Il faut qu'il y ait un sacrifice humain. Il faut qu'il y ait un sang pur. Il faut qu'il y ait un homme sans péché qui meurt, soi-disant, pour effacer cette tâche ou cette erreur originelle-là de l'humanité. Hein? Et Ça, c'est là qu'ils ont pris cette idée de crucifixion. Et qu'il fallait que, soi-disant, Jésus meure pour effacer les péchés de l'humanité. Et ça, quand tu réfléchis bien comme il faut, tu vois que ça n'a rien à voir avec l'enseignement des prophètes. Mais pour eux, même si tu crois en Tawhid, même si tu crois en tous les messagers d'Allah, même si tu crois en tous les livres, aux anges, aux prophètes, aux messagers, au jugement dernier, en Al-Qadar et en tous les articles de la foi, si tu ne crois pas en ça, c'est un kafir. Tu vas en enfer pour l'éternité. Ils ont fait de ça un fondement de la religion. Hein? Donc ça, ça montre un peu l'égarement de leurs croyances. Et même quand tu regardes dans leurs livres et dans leurs enseignements à eux, dans la Bible, dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, il est écrit que le Père ne va pas être puni pour le péché du Fils, et le Fils ne sera pas puni pour le péché du Père. Même Allah SWT dit dans le Coran, « وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى » Une âme n'aura pas à payer pour la charge d'une autre âme. Chacun va être responsable du péché qu'il a fait lui-même au jugement dernier. Donc comment quelqu'un peut venir, puis par la suite te dire que tu as payé pour le péché de Adam? Est-ce que quand Adam a fait son péché, t'a demandé ton avis, alayhi salam, est-ce qu'il est venu te demander conseil à ce sujet-là? Hein? Non. Donc comment tu vas prendre le poids de ce péché-là alors que tu n'étais même pas né et que tu n'étais même pas là? Hein? Donc ça, déjà, c'est contraire à la raison, contraire à la révélation. Hein? Et donc, quand on regarde également, on voit que Jésus n'a jamais enseigné cette idée-là, même dans le Nouveau Testament que les chrétiens suivent. Ça ne fait pas partie de l'enseignement d'aucun messager d'Allah. Aucun des messagers d'Allah. Mais ça fait partie des mensonges qu'ils ont attribués à Dieu. Et donc, il y a aussi le fait que ils disent qu'il est le fils de Dieu. Hein? Ils disent que Dieu a eu un fils, qu'il a choisi cet homme-là comme un fils. Et quand vous leur demandez, qu'est-ce que vous dites par fils? Qu'est-ce que vous voulez dire par fils? Que Dieu a une femme et il a des enfants avec elle? Ils disent non, non, c'est pas ça ce que ça veut dire. Ils l'interprètent. Hein? Ils ont toutes sortes de ta'wilat, toutes sortes d'interprétations pour essayer de rationaliser puis de justifier cette idée-là. Donc ils disent quoi? Ils disent, on dit que Dieu a créé Issa et qu'il l'a choisi comme soi-disant pour être son fils. Et donc tu leur dis, mais s'il l'a créé dans ce cas-là, c'est pas son fils. Parce que créer, c'est pas, ça n'a rien à voir avec le fait d'engendrer et de faire des petits. Hein. Donc comme par exemple, Allah SWT, elle a créé les cieux et la terre, il a créé la lune. Est-ce qu'on dit que la lune c'est la fille d'Allah? Non. Donc, et ça c'est une créature. Adam aussi c'est une créature. Alors ce matin, il a créé Adam sans père, sans mère. Est-ce que tu dis que c'est le fils de Dieu? Hein? Il mériterait plus de se faire appeler fils, puisqu'il n'a pas de père ni mère. C'est Dieu qui l'a créé directement. Et malgré tout, on dit pas qu'il est le fils de Dieu. Hein? Et donc la même chose quand on regarde, on dit, quand Jésus, alayhi salam, Issa, il est né d'une mère. Comme tout, chacun d'entre nous, on est né d'une mère. Tandis que Adam, alayhi salam, il n'est pas né d'une mère. Allah l'a créé de la terre, il l'a formé de la terre. Qu'est-ce qui est plus, quel est plus grand comme miracle, si on devait comparer? Quelqu'un qui sort de la terre puis qui commence à vivre, ou quelqu'un qui sort du ventre d'une femme. Mais quel est plus grand? Quelle des deux choses est plus grand comme chose miraculeuse? Bien entendu, c'est le premier, le fait d'être créé, de sortir de la terre. Hein? Parce que la terre, c'est inerte. C'est pas vivant. Hein? Donc, ça, c'est des exemples pour montrer que ces gens-là, ils se reposent sur rien. Pour essayer de dire que Dieu, il a dit un fils. Hein? Donc, l'idée en plus, de rédemption, on voit que l'islam, elle le rejette. Le Coran est venu, puis il nous a dit clairement qu'il n'a même pas été crucifié. Isa alayhi salam, il n'est pas mort, il n'a pas été crucifié non plus. Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a élevé aux cieux et il a été sauvé du complot de ses ennemis. Donc ça, c'est pour déjà frapper droit au cœur de la croyance des chrétiens et pour la détruire à la base. Hein? Et ça, c'est pour répondre à ceux qui prétendent que l'islam est une copie du christianisme ou du judaïsme. Si c'est une copie, comment ça se fait qu'on n'a pas copié leur fondement et leur croyance fondamentale et qu'on la détruit au cœur, droit au cœur? Ça, ça prouve déjà que c'est faux. Qu'est-ce qu'ils disent et qu'est-ce qu'ils prétendent? Puis ensuite, ils disent que il a été crucifié. Thumma, ils disent qu'il a été enterré. Thumma dufina ba'da sulbihi. Wa qama ba'da thalathati ayyamin yawm al-ahad mutaghalliban 'ala al-maut liyartafi' ila as-sama'. Ils disent qu'il a été enterré pendant trois jours par la suite. Puis le troisième jour, soi-disant, il est revenu de la mort. Hein, il a vaincu la mort, il est revenu et il s'en est remonté aux cieux. Ça, c'est leur croyance. Hein? Donc, ils disent qu'il a été enterré, comme j'ai dit, après avoir été crucifié, et qu'il est revenu à la vie trois jours plus tard, hein, qu'il est mort et tout ça. Et déjà, en partant, il y a plein de contradictions dans ce passage-là, ou dans cette croyance-là de leur part. De dire que Dieu est mort. Hein. Ils croient que Jésus c'est Dieu, et après ils disent qu'il est mort. Hein. Mais si Dieu peut mourir, hein, alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que on peut le tuer. Hein. Si on l'a tué une fois, on peut le tuer encore. Et ça, c'est des croyances absurdes. Hein, des idées absurdes. Et souvent, moi je me rappelle, même quand j'étais avant l'islam, je posais des questions parfois aux prêtres, et je leur disais, si le fait de croire en Isa et de croire qu'il est mort, c'est ça qui efface nos péchés. Qu'est-ce qui arrive à ceux qui sont nés avant Isa, alayhi salam, qui n'ont pas cru en lui? Hein? Est-ce que eux aussi vont, disons, être épargnés ou effacés de leurs péchés également? Hein? Et donc tout ça, c'est des exemples. Et est-ce que ça veut dire que maintenant que nos péchés sont effacés, soi-disant si quelqu'un a cru en ça, que maintenant il peut faire tout ce qu'il veut? Et que peu importe qu'est-ce qu'il fait, ça y est, maintenant il va aller au paradis. Ça, c'est la croyance de beaucoup d'entre les chrétiens, Yannick. Et c'est pour ça que vous voyez chez eux plus de perversité et plus de péché que dans n'importe quelle autre croyance religieuse. Parce qu'ils disent, ça y est, Jésus est mort pour tes péchés, alors t'es pardonné, fais qu'est-ce que tu veux. Avant de mourir, le prêtre, il vient, il te fait l'extrême onction, et puis ça y est, tu rentres au paradis direct. Hein? Ou bien t'as été baptisé à la naissance, ça y est, t'es sauvé maintenant. Pas de prière, pas de jeûne, rien. Hein? Et donc ça c'est des exemples. وَقَدْ جَاءَ تَكْذِيبُ اللَّهِ لَهُمْ وَبَيَانُ حَقِيقَةِ الْوَقَائِعِ وَزَيْفُ مَا دَعَوْهُ. Hein? Il y a beaucoup de musulmans qui ignorent les fondements de la croyance. Et en passant, c'est ça que je voulais rappeler. C'est que des fois vous allez parler avec certains chrétiens et vous leur dites, vous croyez en telle chose. Et eux, ils vont vous répondre, ils vont dire non, on ne croit pas en ça. Et donc, vous restez là, vous êtes pas certain maintenant, vous ne comprenez pas. Comment ça se fait? Il dit qu'il est chrétien, et quand je lui dis qu'il croit en ça et que ça fait partie de leur croyance, eux, ils le nient. C'est parce que, il y a beaucoup d'explications à ça, c'est que souvent les chrétiens sont ignorants de leur propre religion. Hein. Et non seulement ça, mais en même temps, ils ont différence de croyances parmi les sectes chrétiennes. Certaines sectes peuvent croire en certaines choses, tandis que d'autres sectes chrétiennes ne croient pas en ces choses-là. Et donc c'est pour ça que lorsque vous discutez avec des groupes de chrétiens ou avec des individus, essayez de lui demander quelle secte ou quelle tendance ou quelle dénomination chrétienne ils suivent, et puis par la suite renseignez-vous sur ce groupe-là, dans leurs textes, dans leurs livres ou dans leurs fondements, pour essayer de voir quelles sont leurs croyances officielles, telles que leur prêtre ou leur moine ou leur fondateur l'ont écrit. Et là, après, vous leur dites, si par exemple, ils viennent et ils vous disent, non, nous, on ne croit pas en ça, par exemple, il y a des catholiques, ils font leur propre religion dans leur tête. La plupart des catholiques, ils ne croient pas en ce qui est écrit dans le Concile de Vatican II. Hein? Ils ne l'ont jamais lu, puis ils ne savent même pas ce qui est écrit dedans. Et donc, si tu parles avec des catholiques, puis tu leur dis, vous, dans votre religion, ou dans votre croyance, vous devez croire en ça. Ils disent, non, moi, je crois pas en ça. Pourquoi? Parce qu'il a sa propre croyance dans sa tête. La religion, c'est une chose, et sa croyance dans son cœur, c'est autre chose. C'est même pas basé sur ce qu'enseigne la religion. Donc c'est pour ça qu'avec des gens comme ça, il faut leur montrer, il faut leur dire, écoutez, ça c'est ce que votre croyance enseigne. Maintenant, si tu y crois pas, alors maintenant, là, il faut se poser des questions et revenir à la base. C'est quoi la réalité? C'est quoi la vérité de l'enseignement des messagers? C'est quoi la réalité de l'enseignement de tous les prophètes d'Allah? Et là, tu leur amènes le tawhid. Et tu leur expliques la réalité du tawhid. Hein? C'est ça la base. Donc, le cheikh, il dit, وقد جاء تكذيب الله لهم وبيان حقيقة الوقائع وزيف ما ادعوه قال تعالى وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم إن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. Le cheikh il dit, et on a rapporté, Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne dans le Coran que ces gens-là ont menti à propos de Isa ibn Maryam, et il a expliqué la réalité de ce qui s'est passé, et il a montré que leur prétention et ce qu'ils disent est complètement faux. Hein? Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 157 et 158 dans Surat al-Nisa, ils ne l'ont pas, hein, et leur parole à propos de Isa, ils ont dit on a tué le Messie, Isa ibn Maryam, le messager d'Allah, et Allah subhanahu wa ta'ala dit et ils ne l'ont pas tué, et ils ne l'ont pas crucifié, mais ils ont eu cette impression-là, ou c'est ça qui leur a apparu. Et ceux qui ont eu des divergences entre eux, hein, à son sujet, sont dans le doute sur cette question-là. Et Allah subhanahu wa ta'ala, ils n'ont aucune connaissance certaine à ce sujet-là, ils ne font que suivre des suppositions et des conjectures, et c'est certain, hein, ils ne l'ont pas tué, et ça c'est certain. Et Allah subhanahu wa ta'ala l'a fait monter vers lui, et Allah subhanahu wa ta'ala est certes tout puissant et sage. Donc aujourd'hui, quand vous voyez que des musulmans qui vous disent les chrétiens sont nos frères, ou bien ils sont pas des kuffars, ça veut dire quoi? Ça veut dire que celui qui croit en la Trinité, que Dieu est trois en un, ou bien que Dieu est devenu un homme et s'est incarné, ou celui qui croit le contraire de ce que Allah dit dans le Coran, et qui refuse de croire au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui refuse de croire au Coran, ça c'est ton frère? Alors, le musulman, lui, c'est quoi? Si lui, c'est ton frère, le musulman, c'est quoi? Hein? Auzubillah. Soit que tu as la même aqida que lui, puis tu le caches, et tu te prétends musulman, mais tu es chrétien, et tu veux dire que sont tes frères parce que tu crois à la même chose que eux, ou bien, tu es complètement ignorant de la réalité de ce que ces gens-là croient, ou bien tu es ignorant de l'islam, ou des deux ensemble. Il y a un grave problème. Celui qui dit que les chrétiens sont ses frères et qu'il comprend ce que ça veut dire, il sort de l'islam. Il n'est pas musulman celui-là. Hein? Excepté s'il est ignorant, il est excusé de son par son ignorance. Mais sinon, s'il n'a pas d'excuse par l'ignorance, s'il n'est pas ignorant, dans ce cas-là, il sort de l'islam. Peu importe qui il est, peu importe son titre, peu importe le nom qu'il a ou qu'est-ce qu'il est dans la religion, le titre qu'on lui donne. Si il dit ça, les chrétiens sont nos frères, il a un problème. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, innama al-mu'minuna ikhwa. Ce ne sont que les croyants qui sont des frères. Hein? La fraternité dans l'islam, elle est basée sur le tawhid. Elle est basée sur l'iman d'Allah, wa malaikatihi, wa kutubihi, wa rusulihi, wa liyom al-akhir. C'est pas comme c'est écrit liberté, égalité, fraternité. Hein? C'est quoi cette fraternité? Quand vous voyez cette formule-là, liberté, égalité, fraternité, c'est de quelle fraternité qu'il parle? Fraternité de la ilaha illallah? Fraternité de la foi en Allah subhanahu wa ta'ala? Non, ça c'est la fraternité sur le kufr. C'est de cette fraternité-là qu'il parle. Toutes les religions, il dit toutes les religions sont des frères. Soit bouddhistes, hindous, Krishna, athées, juifs, chrétiens, tous des frères. C'est ça leur conception, eux, de la fraternité. Est-ce que c'est ça la fraternité dans l'islam? Celui qui appelle à ça, il est franc-maçon, il n'est pas musulman. Ça, c'est les fondements de la franc-maçonnerie, ça n'a rien à voir avec la religion musulmane. Et un musulman n'a pas le droit d'entrer dans la franc-maçonnerie. Parce que s'il accepte ces fondements-là, il sort de la religion musulmane. La ilaha illallah, ça veut dire que tes frères de ceux qui croient en la ilaha illallah. Si tu dis les koufars sont tes frères, alors tu sors de l'islam. Parce que ça veut dire que tu te bases sur le kufr pour être frère avec des koufars. La fraternité dans l'islam, elle est basée sur l'islam, pas sur le kufr, pas sur le shirk, pas sur ce qui est en opposition avec les fondements de la ilaha illallah. Et ça, il y a beaucoup de musulmans qui ne comprennent pas. Là, ils disent égalité, fraternité, égalité, liberté, fraternité. Alhamdulillah. Il faut comprendre qu'est-ce que ça veut dire ces affaires-là, parce que derrière ça, il y a le kufr au complet. Nasallallahu alayhi wa sallam. Et donc le cheikh il dit, أساس دين النصارى ومظاهر شركهم. Les fondements de la croyance des chrétiens et les formes de shirk qui sortent en apparence. Parce qu'il y a des groupes de musulmans qui appellent à ces idées-là en arrière et cachent des mentalités franc-maçonniques. Ils se montrent musulmans, puis c'est des francs-maçons. Et puis ils appellent à ces idées-là pour égarer les musulmans. Et ils disent aux musulmans, on est vos frères, ils disent aux koufars, on est vos frères, nous sommes tous des frères. Ces gens-là, ils sont en train d'appeler à quelque chose d'autre que l'islam. Il faut faire attention à ces gens-là, c'est des munafiqin. Beaucoup d'entre eux, c'est des munafiqin. Prenez garde à ces gens-là. Donc, le cheikh, il dit, les fondements de la religion des chrétiens, et c'est quoi les manifestations de leur shirk? Le cheikh, il dit, هكذا كان أساس دين النصارى قائما على شتم الله وتنقصه والشرك به بناء على الآراء الباطلة والمعتقدات الفاسدة التي أخذت النصرانية معظمها من الديانات الموجودة قبلها مما أفقدها جوهرها وشكلها الأساسي الصحيح الذي كانت عليه دعوة المسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام رسول رب العالمين فجمع دين النصارى بين عيب الإله والشرك به سواء في ربوبيته وألوهيته. Donc le cheikh il dit, voilà la base de la religion chrétienne, voilà sur quoi est basé les fondements de la religion chrétienne. L'insulte d'Allah subhanahu wa ta'ala et le rabaissement d'Allah subhanahu wa ta'ala et le shirk avec Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà les fondements du christianisme tel qu'il est aujourd'hui pratiqué par les chrétiens et depuis des siècles comme ça. C'est une insulte qu'ils font envers Allah subhanahu wa ta'ala. Ils lui attribuent un fils, ils disent qu'il est trois en un, ils croient qu'il est devenu un homme. Toutes ces croyances-là, c'est ça leur religion, et tout ça c'est des insultes envers Allah subhanahu wa ta'ala. Ils se basent sur toutes sortes de fausses opinions, de fausses théories, de fausses croyances. Et donc, la grande partie de la religion chrétienne telle qu'elle est pratiquée aujourd'hui, et même avant, elle est basée sur des choses contraires au message de Isa alayhi salam. Et elle a perdu son essence et son fondement le plus important, qui est le tawhid, auquel a appelé Isa ibn Maryam, le messager du maître de l'univers. Donc les chrétiens ont réuni deux grands problèmes. L'attribution de défauts et d'imperfections à Allah subhanahu wa ta'ala et le shirk avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et le shirk que les chrétiens ont incorporé dans la religion de Isa alayhi salam, c'est dans les deux formes de tawhid. Ils ont incorporé le shirk dans la rububiyya, dans la souveraineté d'Allah subhanahu wa ta'ala, et le shirk fil uluhiyya, et le shirk dans l'adoration. Le shirk fil rububiyya, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, le fait qu'ils ont dit que Dieu est trois en un. Le fait qu'ils croient que les trois ils sont éternels, le fait qu'ils croient que Dieu a un fils, hein, le fait qu'il croit que Dieu même a une compagne, que Dieu a une mère, parce que les catholiques, quand ils font leur prière, ils disent « Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs ». Ça, c'est une prière que les chrétiens doivent faire chaque matin quand ils se lèvent. Priez, hein, « Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, audhu billah ». Donc si Dieu il a une mère, peut-être aussi il a une grand-mère, un grand-père, audhu billah. Qui peut croire en des croyances pareilles? Qui peut dire des insultes pareilles à Allah subhanahu wa ta'ala? Et toi après tu viens puis tu dis « sont nos frères ». Quel frère? Hein? Donc il y a des questions à se poser. Et donc le cheikh il dit ici, ils ont ça c'est dans Rububiya, maintenant dans Al-Uluhiya, ça tu peux en parler et en parler et en parler, parce que dans l'adoration, ils ont du shirk par-dessus la tête. Hein? C'est des tonnes et des tonnes de formes et de manifestations de shirk. L'adoration des croix, l'adoration des idoles, l'adoration des images, l'adoration des prêtres, l'adoration des moines, hein? Les intercesseurs qu'ils prennent entre eux et Dieu. Quand quelqu'un fait un péché, il est obligé d'aller voir le prêtre pour lui dire « Mon père, j'ai péché ». Et le père, il écoute ton péché, après il dit « Va en paix mon fils, Dieu t'a pardonné ». Si tu fais pas ça, tu ne peux pas être pardonné. C'est ça la religion qu'ils ont établie entre eux et Allah sans être des intermédiaires pour le pardon et pour l'adoration. Que si tu passes pas par des hommes, tu peux pas être pardonné, tu peux pas adorer Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ça le shirk. Ittikhad al-wasa'it bayn al-khaliq wal-makhlouq, c'est l'ibadah. Hein? Donc ça fait partie des exemples de shirk chez les chrétiens. Et quand ils ont des problèmes, ils vont voir le wali, le saint, à la tombe, et ils demandent la baraka, et ils demandent de la guérison, ils font des pèlerinages aux tombes de ces saints-là. Ça vous rappelle peut-être quelque chose, hein? C'est pas, ça vient pas de nulle part, hein, qu'est-ce qui se passe dans les pays musulmans maintenant? Des gens qui adorent les tombes et tout ça, hein? C'est pour ça que le cheikh Sarkozy, il a écrit ce livre, pour faire comprendre aux musulmans que plein de croyances qui existent maintenant dans les pays musulmans, à l'origine, elles viennent pas de l'islam, elles viennent de ces gens-là qui ont suivi les mouchriquines et qui ont été affectés, influencés par les gens qui sont sur le dalal, parmi les chrétiens et les juifs et les autres. Hein? A'udhu billah. Le cheikh dit, « Famine ma zahir et shirk al-nasara fil rububiya ma qaddamna fil ghulou et fil makhlouq hatta ja'alouhu sharikan al-khaliq wa juz'an minhu wa ilahan akhar ma'ahu wa nafaw an yakuna abdan wa min shirkihim fil rububiya تشبيه بعضهم اتحاد اللاهوت والناسوت في شخصية المسيح وفكرة حلوله في شخص عيسى عليه الصلاة والسلام تفيد أن عيسى عليه الصلاة والسلام إنسان إلهي صورته الخارجية صورة إنسان وطبيعته الداخلية إلهية فهو من طبيعتين امتزاجتا وصارتا طبيعة واحدة كامتزاج النار والحديد أو اللبن والماء. Le cheikh il dit, parmi les manifestations du shirk des chrétiens dans Ar-Rububiya, on en a déjà parlé, et il y a l'exagération au sujet de la créature. Hein? Ils ont fait de la créature un partenaire avec le créateur et une partie du créateur lui-même. Et ils ont fait de lui une divinité avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils ont nié qu'il était un serviteur. Hein? Isa alayhi salam. Ils ont exagéré à propos de Isa au point de l'élever au niveau de Dieu. Hein? Et ils l'ont fait partenaire avec Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ont fait de lui une divinité avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils ont nié qu'il était un être humain. Tout ça c'est shirk rububiyya. Hein? Et parmi les exemples de shirk dans Rububiya également, il y a le fait qu'ils ont fait des ressemblances entre Allah subhanahu wa ta'ala et l'être humain. Dans l'idée que Dieu peut rentrer à l'intérieur d'un homme et devenir un homme. Hein? Et donc pour eux, ils disent que Isa est une divinité qui avait l'apparence d'un homme. Il était Dieu sous forme humaine. Hein? Et ça, c'est la même croyance que les hindous, qui croient que Dieu a différents avatars, et qu'il prend différentes formes et manifestations. C'est pour ça que les hindous, ils ont plein de dieux qu'ils adorent. Pour eux, en réalité, ces dieux-là, c'est tous des Jésus en fait. La différence entre les hindous et les chrétiens, c'est quoi? C'est que les chrétiens ont dit Dieu, il s'est incarné une fois. Les chrétiens. Les hindous ont dit non, Dieu s'est incarné plein de fois à travers l'humanité, pas juste une fois. Donc, la différence entre les chrétiens et les hindous, c'est juste une différence de nombre et de quantité. Sinon, la base de leur shirk, c'est le même, que Dieu se transforme en homme ou en animal. Ah oui, aussi, ils ont pas, les chrétiens disent que Dieu ne devient pas un animal, mais il peut devenir un homme. Hein? Il peut avoir des enfants avec des femmes. Comme les hindous, comme les grecs dans l'antiquité quand ils adoraient l'idole. Donc ça, c'est des exemples de shirk. Hein? Après, donne un autre exemple. Ils disent qu'il était devenu un être humain, Dieu devenu un homme. Ils disent que sa nature extérieure, c'était la nature humaine, et la nature intérieure, c'était une nature divine. Et donc, ils disent qu'il avait les deux natures, humaine et divine en même temps. Hein? Et qu'elles se sont toutes les deux mélangées, comme le feu et le fer, ou comme le lait et l'eau. ومن شركهم في الربوبية قولهم بمحاسبة المسيح عليه الصلاة والسلام الناس على أعمالهم في الآخرة الناس شركهم بمحاسبة المسيح عليه الصلاة والسلام على أعمالهم في الآخرة أوكي ومن ذلك جعل التشريع حقا للرؤساء الروحانيين في تنظيمهم الكهنوتي وإعطاء الراهب والقسيس حقوق الغفران والتوبة كما أنا مثلاً تطالع. الشيخ يقول que parmi les exemples de shirk dans al-Rububiyya, c'est qu'ils disent que Jésus au jugement dernier il va juger les hommes avec Dieu. Hein? Il va juger les hommes avec Dieu. En fait, ils croient que c'est lui Dieu. Hein? Et qu'est-ce qui est bizarre aussi dans la croyance des catholiques? Dans leur témoignage de foi, ils disent et il s'assoira à la droite du Père. Comment il peut être le Père et s'asseoir à la droite du Père en même temps? Ça aussi, c'est des contradictions. Donc, ça, c'est des exemples. Après, ils disent qu'ils ont fait également, parmi des formes de shirk, ils ont donné aux têtes de l'Église, les chefs spirituels, dans leur hiérarchie selon la hiérarchie de la religion catholique, ils ont donné à ces pères-là et à ces archevêques et à ces papes et à ces religieux le droit de légiférer et de faire des règles et des lois dans la religion. De même que les prêtres, ils leur ont donné aux prêtres le droit de pardonner et de donner la repentance, comme on a dit tout à l'heure. Hein? L'extrême onction avant la mort. Ça, ils doivent se repentir chaque semaine, aller à la confesse, hein, et avant de mourir, le prêtre va leur donner l'extrême onction, hein, pour qu'ils soient pardonnés, qu'ils se repentent. Après le shirk, il dit, amma, an mabahir shirk al-Nasara fi al-Uluhiyya, fatatajalla fi ibadat al-Masih, alayhi salatu wassalam, fi mujmal salawatihim, wa tawajjuh ba'dihim ila Maryam, البتول بالعبادة على أنها والدة الإله. Donc le cheikh il dit qu'on voit les manifestations de shirk dans l'adoration, dans l'uluhiyya, c'est lorsqu'ils adorent le Messie, alayhi salatu wassalam, ils l'adorent Jésus lui-même. Et dans leurs prières, tu le vois qu'ils adorent Jésus, et ils font des prières à Jésus, hein, ils disent que c'est Dieu. Hein. Et ils font des statues et des images, comme je vous ai dit. Et quand ils rentrent dans l'église, ils se mettent à genoux. Hein? Et ils ont l'eau bénite. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de l'eau bénite. Hein? Donc quand on était petit, la première chose qu'on fait quand on rentre à l'église, hein, quand on était petit, il y avait un petit pilier en marbre et un rond, un creux au-dessus avec un peu d'eau. Qu'est-ce qu'ils font les chrétiens en rentrant? Ils trempent leurs doigts dans l'eau bénite. Et ils font le signe de croix avec. Hein? Ils touchent à leur tête, leur cœur, l'épaule droite, l'épaule gauche, et ils disent au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Et avec cette eau bénite, ils croient que ça c'est de l'eau bénite. Hein, ils font ce signe de croix là, puis ils rentrent dans l'église. Une fois, quand j'étais petit, je suis allé à une église à Montréal qui s'appelle l'Oratoire Saint-Joseph. C'est une des plus grosses églises à Montréal. Eh ben, arrivé en haut, il y a une petite salle où on peut aller prendre de l'eau bénite dans une bouteille pour l'amener à la maison. Hein. Le ma al-mubarak, c'est de l'eau qui est bénite. Hein. Donc, je suis arrivé pour mettre de l'eau, la sœur, la religieuse qui était là, elle m'a dit non, attends, elle n'est pas encore bénite, tu peux pas la prendre. Alors j'ai dit comment ça se fait, elle n'est pas encore bénite. Il dit attends, le prêtre il n'est pas encore venu pour la bénir. Alors, juste quand je sortais avec ma bouteille, le prêtre est arrivé. J'ai dit l'eau elle n'est pas encore bénite. Je voulais avoir une bouteille d'eau bénite, ils m'ont dit l'eau n'est pas encore bénite. Il a dit ok, tiens. Donne-moi là. J'ai donné la bouteille, il a fait comme ça avec il a fait un signe de croix avec son doigt, il a dit ça y est. J'ai dit c'est ça, bénite? Il a dit oui, c'est ça. Et j'ai dit subhanallah. Même j'étais pas encore musulman, mais j'ai vu que c'était de la foutaise. Hein? Non seulement ça, subhanallah, ils ont un petit magasin, là-bas, où, parce que celui qui a fait construire cet oratoire, c'est le frère André. Ils disent qu'il avait beaucoup de miracles et des trucs comme ça. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils vendent des petits colliers avec un morceau de tissu de ses vêtements. Et ils disent que ça porte la chance, ou qu'il y a de la baraka dans ça. Alors, moi j'en ai acheté un, puis je me demandais par la suite, je me disais, mais combien de vêtements il avait pour être capable de couper jusqu'à aujourd'hui tous ces petits vêtements-là pour qu'il en reste encore? Subhanallah. Hein? Et donc ces gens-là, ils prennent la baraka de ses vêtements. Donc ça c'est des exemples. Supposément son cœur, il est encore là. Ils l'ont pris son cœur, ils l'ont mis dans un liquide, puis ils l'ont mis dans l'expositoire, là. Et puis ils ont dit, ça c'est le cœur du frère André. Et les gens vont là-bas, ils vont prier. Et il y a la tombe du frère André qui est là-bas, et les gens passent et ils vont faire des demandes et des invocations. Hein? Donc c'est pour vous dire, allez, la religion de ces gens-là, c'est le shirk, ok? C'est à la base, c'est le shirk. Et après, qu'est-ce qu'il dit? Il dit également, certains d'entre eux, comme on disait tout à l'heure, ils se tournent vers Maryam et ils l'adorent comme étant la mère de Dieu. Et il dit, وَتَعْظِيمُ الصَّلِيبِ الَّذِي هُوَ شِعَارٌ لَهُمْ جَارٍ مَجْرَى تَعْظِيمُ قُبُورِ الْأَوْلِيَاءِ ولذلك لعن خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم اليهود والنصارى الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد وأصل الشرك وعبادة الأوثان من العكوف على القبور واتخاذها مساجد. Le Cheikh dit que parmi leurs exemples et leurs signes qu'ils prennent comme les symboles de leur religion, il y a la croix. Hein? Et ils ont pris pour cette croix-là un respect qui est comparable à celui qu'ils ont pour la tombe de leur prophète. Alors que tu trouves jamais dans l'enseignement d'aucun des prophètes de Dieu qu'il faut prendre une croix, ou que la croix a un symbole ou a une valeur quelconque dans la religion. Et ça, c'est des gens qui ont inventé ça bien après, et qui ont mis ça comme symbole de l'Église. C'est pour ça que Isa, alayhissalam, quand il va venir vers la fin des temps, il va détruire les croix. Ça n'a rien à voir avec sa religion. Hein, il n'a jamais enseigné ça. La religion d'Isa alayhi salam, c'est le tawhid, c'est la religion de tous les prophètes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le cheikh il dit que c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Muhammad alayhi salatu wa salam, il a maudit les juifs et les chrétiens parce qu'ils ont pris les tombes de leurs prophètes comme des lieux de prière. Et ça c'est la base du shirk qui est apparu, et la base de l'adoration des idoles, ça vient de ça. Ça vient de l'adoration des tombes. Hein? Du fait de se tenir auprès des tombes et de les prendre pour des lieux d'adoration. فهكذا جمعت أمة النصارى بين الشرك وعيد الإله وتنقصه فإنهم أعظم ضلالا من اليهود وأكثر شركا. Le Cheikh il dit et c'est ainsi que la nation des chrétiens ont réuni entre le shirk et l'insulte, hein, et le rabaissement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour ça qu'ils sont plus grands et ils sont plus égarés que les juifs, et leur shirk est plus grand également que celui des juifs. Et ça, le cheikh, tout au long du livre, il mentionne des références tirées de Majmu' al-Fatawa de Ibn Taymiyyah, et de Hidayat al-Hayara de Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah, et Iratat al-Lahfan de Ibn al-Qayyim, et d'autres livres parmi les livres des ulama qui mentionne ces exemples et ces citations-là. D'accord? Donc ça c'est, tout ça c'est pour expliquer les manifestations de qu'est-ce qui se passe chez les chrétiens, yani, par rapport à la religion de ces gens-là.